Alors, Mendy Solane, bon, vous l'avez entendu dans les discours, c'est 4 saisons. Ce sera la saison d'hiver, la saison du printemps, la saison de l'été et la saison d'automne. Donc, ces saisons culturelles avec ces spectacles. Donc, ça fait depuis 2001 que le service culturel existe dans la ville d'Hendaye. Et il a sa saison, ça fait 8-9 ans maintenant. On a cette année plus de 127 abonnés, ce sont des gens qui viennent régulièrement. Donc un spectacle par mois, donc à partir du mois prochain, vendredi 7 janvier. Alors on a décidé pour le premier spectacle, on voulait inviter les jeunes des collèges et des enfants, et c'est plein, ça y est. Ils ont répondu, même aujourd'hui on a dû refuser malheureusement une école, sinon il faudrait refaire plein de représentations. Et le soir, donc la même artiste, parce qu'elle en fait elle a un auteur qui s'appelle Sepúlveda, et elle joue deux pièces de cet auteur, donc l'après-midi pour les scolaires, pour visiter le lieu aussi, et le soir pour le tout public. Voilà, donc c'est un spectacle à peu près par mois. Mendy Solane, c'est aussi des résidences d'artistes. Et alors là, je me tourne vers mes collègues de la communauté des communes, avec qui nous avons un très très grand partenariat. Et puis, ils sont là-bas peut-être. Voilà, la communauté de communes vont venir ici en résidence d'artistes. Donc des artistes vont venir à Hendaye, vont profiter de ce lieu. Alors vont peut-être enlever les gradins, on va voir. Ils vont squatter, on va leur laisser. Et à la fin, bien sûr, le public hendayé, et puis même pendant, pourront venir rencontrer des artistes. C'est aussi, Mendy Solane, c'est aussi le mets du théâtre. Le mets du théâtre, c'est la compagnie du théâtre des Chimères, ils sont là. C'est un nom, on travaille avec cette compagnie depuis des années. Ce lieu, eh bien, ils l'auront pour le mets du théâtre, pour des spectacles. J'espère que Jean-Marie viendra faire des stages, des résidences, voilà, tout est ouvert. On a aussi une jeune compagnie, je l'ai vue, elle est là, Viviana, la compagnie de Choikasa, qui va venir participer au regard artistique. Cette année, c'est le regard qui se tourne autour du monde. Eh bien, voilà, elle va nous présenter un spectacle qui sera une fin de résidence ou une milieu de résidence, et le public hendayé pourra le redécouvrir. Et puis Mendy Solane, c'est cette salle d'exposition, cette salle que beaucoup d'artistes hendayés attendent, vraiment, puisque, bon, ben, Hendaye, il y avait 70 mètres carrés à la médiathèque, et tout le monde disait, mais c'était un peu petit. Et puis Hélène Damestoy ne dira pas le contraire, elle a besoin d'espace, donc elle va le récupérer. Et tous ces artistes, après il y a eu les Halles, donc les Halles, on a essayé de faire ce que l'on pouvait. C'était bien déjà. Et là, ben, ils sont là, ces artistes. Je pense à Angela, puisque la première fois qu'elle est rentrée dans cette salle en haut, elle a pleuré. Voilà, elle a pleuré parce que c'est sa salle, c'est en fait la salle à tous les artistes. Alors vous avez vu des artistes aussi qui ont travaillé avec les écoles, puisque ça va être, je pense, notre mission. Notre mission d'éduquer ben, l'enfant de plus jeune âge à l'artistique, à l'art. Lui faire découvrir. Et bien là, il y a eu deux artistes qui ont travaillé avec l'école de la plage, l'école qui est l'école voisine de Mendy Solane, avec les enseignants qui se sont vraiment bien impliqués, donc merci à eux. Il y a eu Seb, vous avez vu, il est dans notre futur bureau, et là, il fait un tag, un graphe qu'il réalise là, en ce moment, et vous le verrez petit à petit le temps du cocktail, et ce graphe restera à Mendy Solane à tout jamais. Et donc il est intervenu auprès des enfants pour leur apprendre l'art du graphe. Parce que faire du graphe, c'est de l'artistique. C'est pas que peindre les murs dans les rues. Il y a vraiment des artistes qui vivent de ça. Et donc il leur a appris à ses enfants que, mais voilà, en plus c'est un danger. Les bombes, on les utilise pas n'importe comment. Donc il y a eu tout un apprentissage autour de ce thème-là. Et vous allez voir, enfin, vous l'avez peut-être vu, l'œuvre qu'ils ont réalisée. Et ensuite, il y a Nathalie Surel qui a travaillé avec donc deux classes. Vous allez voir, elle a fait un travail exceptionnel auprès de ses enfants. Voilà, donc demain, c'est la journée porte ouverte. Donc tout le monde va pouvoir venir découvrir ces expositions. Nous avons même un apéritif pour les abonnés de notre saison, pour les remercier de leur fidélité. Ensuite, il y a aussi, malheureusement, ils l'ont fait quand même sous la pluie et sous la grêle. Il y a Claudie Roman. On a eu cette idée cet été, on s'est dit, mais il y a des flash mobs partout. Flash mobs, c'est-à-dire que des gens se regroupent pour un événement. Et nous, on s'est dit, bon, on ne va peut-être pas le lancer à tout Hendaye, ce n'est pas la vocation du service culturel, mais pourquoi pas les jeunes?